Sans toi c'est dur de dormir. T'es ma femme ou mon ennemi. On se comprenait pas la plupart du temps, donc je t'ai laissé partir. Dans ton absence je m'en ai. Quand mon verre le regard est vide, faut payer l'avocat. Tout ce qu'on ne voulait pas, c'est le début des ennuis. Les gens ne t'en soucient pas. Dis-moi pourquoi la chance nous sourit pas. Au crépuscule, je reviendrai vers toi. Je sais pas si tu réalises. Y'a mon cœur dans ta valise. J'effacerai pas nos souvenirs si tu m'aimes encore. Je sais pas si tu réalises. Y'a mon cœur dans ta valise. J'effacerai pas nos souvenirs si tu m'aimes encore. Je t'aime encore, c'est triste à dire. La fin fait mal comme les romans. Tu as laissé mon cœur dans le silence, plein de remords. Dis-moi si tu vois quelqu'un d'autre. Une fois j'ai cru vous voir dans le café d'en face. Est-ce une illusion? Car loin de toi, j'en perds le nord. La vie peut basculer en une seconde. Je peux pas m'imaginer que je suis le second. Je veux faire ma vie avec toi. Je sais pas si tu réalises. Y'a mon cœur dans ta valise. J'effacerai pas nos souvenirs si tu m'aimes encore. Je sais pas si tu réalises. Y'a mon cœur dans ta valise. J'effacerai pas nos souvenirs